21-16, observation. Faire croire, faire rire. Faire plus infinitif. L'histoire veut vous faire croire que votre pays a toujours raison. Robert veut faire croire à Mireille qu'il est surdoué. Mireille fait rire Robert avec sa discipline intellectuelle. Vous me faites rire avec votre discipline intellectuelle. C'est amusant. Ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Ça me fait rire. Les gens trouvent ça drôle. Ça les fait rire. Tu trouves ça drôle? Ça te fait rire? Elle trouve ça drôle. Ça la fait rire. Nous trouvons ça drôle. Ça nous fait rire. Vous trouvez ça drôle? Ça vous fait rire? Je te trouve drôle. Tu me fais rire. Je vous trouve drôle. Vous me faites rire. Je les trouve drôles. Ils me font rire.